de diversité. Blues. Cette semaine, au Mathieu Plonchot. Dans Télévision, la série Frisson pour l'Halloween 2015 à la télé. Je crois que c'est inspiré des présumés ébats sexuels de Gian Gomeshi de la CBC. Dans Sigma Geek, CLX, un service de rencontre en ligne admet avoir utilisé de faux profils. Et la différence avec un supposément vrai profil de ce de rencontre est... Et dans Merci Science, un timbre épidermique pour un diagnostic de santé. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence tout de suite. Et voici quelqu'un qui aimerait faire une référence à Gian Gomeshi par rapport à lui-même, mais il fera pas ce genre de blague sexuelle-là. Non. Bonjour et bienvenue à Mathieu Plante, avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui à l'émission, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, le segment Geek CNX, c'est un fait, Tech Edition, et la chronique de Science, Technologie et Médecine, Merci Science. On va aussi commencer une nouvelle série musicale, Audio Engineering, A Tribute to Sid, sur la musique de la série Final Fantasy. Mais pour commencer l'émission, c'est le moment de la chronique qui habituellement serait sur les jeux vidéo rétro, avec notre collaborateur Samuel Girard, mais aujourd'hui on sort un petit peu des sentiers battus pour aller jusque dans les bois très, très profonds et sombres de Trois-Rivières. Donc voici la chronique édition horreur. J'ai des frissons dans le dos, là. Salut Samuel. Bonjour. Ça va? Oui. Donc là, tu te demandes d'où est-ce que j'ai sorti cette... Qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée où tu nous amènes. C'est la chanson thème d'un combat contre Robotnik dans Sonic CD. Ah, donc c'est presque la suite d'une précédente chronique que tu nous as parlé de Sonic. Là. Ben, c'est qu'en fait, j'en ai un élément qui revient de Sonic dans qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre cette chanson-là qui est tellement agréable quand tu joues. Genre, j'ai pas joué quand j'étais jeune parce que c'est quand même effrayant. Ouais, c'est pas évident ça. Donc, on parle d'horreur aujourd'hui. Évidemment, c'était l'Halloween récemment. Oui, exactement. Donc, on reste dans tout ce qui était peurant dans les jeux vidéo, mais j'entends dire un petit peu plus récent qu'à l'habitude. Oui, parce que c'était un peu plus compliqué dans des jeux qui avaient des moins beaux graphiques de placer ce genre de choses-là pour un peu faire poser des questions aux joueurs ou même les effrayer un peu. Mm-hmm. Donc, ça a été fait dans des jeux plus récents. Okay. Donc, j'ai essayé de chercher un petit peu pour m'en tenir aux jeux rétro et j'en ai moins trouvé. Alors, j'ai été un peu plus large. Ça fait en sorte qu'on va toucher à des jeux un peu plus récents. Oui. Je fais une petite parenthèse avant qu'on commence, parce qu'on a jasé en parlant de Banjo à la dernière chronique. Oui. J'ai trouvé sur Internet un appareil pour convertir le branchement d'une manette de Nintendo 64 en port USB. C'est malade, j'ai besoin de ça. Alors, ça existe. Je cherchais une façon de jouer à Banjo-Kazooie d'une façon ou d'une autre, parce que ma Nintendo 64 ne se plug pas sur ma télé. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, mais oui. Et en tout cas, vous avez sûrement le même problème. De nos jours, il n'y a plus vraiment de prise RCA sur les télés, donc en tout cas, bref. Donc, branchez un ordinateur avec un émulateur et branchez votre manette de Nintendo 64 par USB sur votre ordinateur, branche dans TV. Et voilà, possible. C'est possible, faites ça. Donc maintenant, c'est confirmé. Voilà, merci. Ça fait plaisir. Alors, je me lance. Évidemment, je ne réussirai pas à effrayer les auditeurs aujourd'hui. Okay. C'est pas ça le but. C'est juste de le dire... Le fond va servir à ça à la place. Exactement. Et là, c'est sûr que j'ai pas joué à tous les jeux. J'ai essayé d'aller vers des jeux que je connaissais, même pas nécessairement des jeux que j'ai joués. Okay. Donc, je vais essayer d'être le plus précis possible dans ma description. Mais si je me fie, j'ai fait le test avec mon frère et en lui expliquant certaines choses que j'avais trouvées, en l'espace de 2 minutes, il a trouvé 3 trucs sur YouTube en tapant quelques mots-clés. C'est assez simple. Okay. Donc, quelqu'un qui est vraiment curieux, ça se trouve assez facilement. Mais est-ce que c'est quelque chose de typiquement collectionneur, ça, d'avoir plein de choses à la maison, genre de jeux que tu n'as jamais joué? Ça. Genre, c'est ça? Je pense que oui, c'est typique qu'un collectionneur, oui. Ça aime ramasser, mais ça n'a jamais le temps de t'absorber ça. T'as tout compris. Mais je prends le temps des fois d'en découvrir des nouveaux. Ben oui, des bijoux cachés. Ouais, c'est ça, mais je peux pas toutes les découvrir d'un coup. Mais non, la vie est trop courte. Hein. Ouais, exactement. Alors, je vais commencer avec Star Fox au Super Nintendo. Il y a un niveau qui s'appelle Asteroid. Dans lequel on peut détruire un énorme objet vert. Okay? Les joueurs ne sont pas tentés d'aller vers cet objet-là, parce que la mission nous amène ailleurs. Mais quelqu'un qui prend le temps d'attaquer cet objet-là, ça fait apparaître un oiseau assez gigantesque dans l'écran. Et ici, on fonce vers l'oiseau, on est transporté dans un autre monde. Ça débloque un niveau que les joueurs ne connaissent pas. Un secret. Ouais, c'est ça. Et quand on arrive dans ce niveau-là, t'es dans l'espace et tous les objets sont complètement un peu tordus. C'était comme dans un univers étrange, le déformé. Son est bizarre, tout est déformé. Okay. Et ça a un peu fait paniquer certains joueurs qui se demandaient qu'est-ce qui se passait. Ouais. Alors c'est tombé dans les mythes d'horreur des jeux vidéo. C'est quand même particulier qu'un Star Fox a rien d'effrayant, mais cette partie-là en a effrayé plus d'un. Mais quand tu sais pas que ça s'en vient, ça doit faire peur. J'imagine. Mais ceux qui doivent chasser ces trucs-là et qui savent déjà que ça existe, c'est peut-être un petit peu moins effrayant. Ben exactement. Mais le premier coup qu'on découvre ça quand on le sait pas, c'est quelque chose. Mm-hmm. Je m'en vais du côté de Grand Theft Auto. Okay. Ça, c'est assez connu comme série. Dans Vice City, il existe un fameux appartement 3C dans lequel on peut entrer. Et cet appartement-là fait référence au film Scarface de 1983. Je ne sais pas si tu connais le film. Non, okay. Désolé. Le film commence avec un massacre à tronçonneuse. OK. Dans un appartement. Pour ça, je dans une pas. Salle de bain. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas connaître ça. Moi non plus, ce n'est pas mon genre de film que j'écoute. Donc, l'appartement est une réplique de cette scène-là du début du film. Okay. Donc, l'appartement, tout est placé de manière identique au film. Et quand on va dans la salle de bain, eh bien là, on voit du sang partout. On voit des traces de mains, de visage au mur, comme si quelqu'un s'était effondré contre le mur en étant ensanglanté. Et au fond de la salle de bain, il y a l'objet qu'on peut ramasser, c'est une tronçonneuse. Ah. Est-ce que tu peux t'en servir? Oui. Okay. Oui, le jeu a l'arme. Mais c'est ça. Mais une place où on peut trouver cette arme-là, c'est dans cet appartement-là. Ensuite, encore dans Vice City, si on va dans la partie de la ville qui s'appelle la Petite Haïti, il y a trois commerces. C'est un de cercueil, un de viande et un d'organes humains qui appartient tout à la famille Romero. Les magasins sont reliés ensemble par une petite allée à l'arrière, petite ruelle. Ouais. Et si on observe dans la ruelle, il y a quatre tombes, OK, où il y a de l'air d'avoir quelque chose d'enterré, c'est des corps, dont une des tombes que le corps est déterré. Donc, on voit le squelette. Et si on regarde le squelette, il manque l'avant-bras gauche. Si on retourne voir dans la vitrine de la boutique d'organes humains, il y a un bel avant-bras gauche à vendre. C'est tordu, mais... C'est sombre. Oui. Ouais. Dans Grand Theft Auto 4, il y a une poussette pour bébé qui se promène tout seul. Il y a personne qui pousse, il y a personne dedans, mais la poussette se promène seule. Si on tire sur la poussette, on va entendre le cri d'une fillette en pleurant qui appelle sa mère. Ah, oh, c'est un fantôme, bébé, peut-être. C'est troublant. Ah, oui, honnêtement, là. Encore dans Grand Theft Auto 4, si on va dans la Statue of Happiness, qui est la réplique de la Statue de la Liberté, là, il y a une pancarte à l'entrée qui dit « Pas de contenu caché ici ben ». Oui, si on rentre à l'intérieur, il y a un cœur qui bat, géant, qui est suspendu, accroché par des chaînes. J'ai déjà vu ça, c'est bizarre. C'est très bizarre et ça fait rien dans le jeu. Ouais. Mais ils ont mis ça. Les gens ont essayé de tirer dessus, de mettre des bombes, des tronçonneuses, peu importe, il n'y a rien qui fait... Tout compris. Ah, ouais. Le vidéo que j'ai vu, c'était des gens qui essayaient de faire partir un événement quelconque et il n'y a absolument rien. Immortel. Ouais, c'est ça. Un que j'ai trouvé très intéressant dans Assassin's Creed 2, dans une chambre finale d'une des quêtes. Je ne connais pas assez le jeu pour dire exactement c'est quelle quête, malheureusement. Si vous regardez, il y a une place où on peut sauter... on doit sauter au-dessus d'un cours d'eau. Okay. Et si on fixe l'eau pendant une minute, il y a un calmar géant qui va passer sous l'eau. Il est pas free, là, juste. Sinon, ce serait le fun. Si on continue de regarder l'eau, il y a une cinématique qui va partir dans laquelle le calmar géant va sortir une tentacule, il va la brasser au-dessus du personnage, il va rentrer dans l'eau et ça finit là. Ça n'a aucune utilité dans le jeu, ça fait rien à part ça. Ça a coûté un montant de budget pour la production de cette cinématique-là. Exactement. Dans le jeu, elle prend de la place, de la mémoire, dans le... ouais, de l'espace. Ça n'a aucune influence. Elle ne peut pas attaquer le personnage, il n'y a rien qui se passe, mais il y a ça. Mais c'est le fun. Puis qui va arrêter une minute pour regarder l'eau? Personne. Mais il y en a qui l'ont découvert. Ben oui. tant qu'à être dans les calmars géants, dans le jeu Splashdown, qui est un jeu de course de moto marine, si on quitte la piste... C'est comme un jeu à la Mario Kart, donc si on quitte... Merci de descendre le à mon niveau. Ouais, non, mais moi-même, je connais pas le jeu, donc... mais le, vu que ça contenait un calmar géant, j'ai dit, je vais le mettre là. Donc si on va trop loin, hors de la piste, et bien à un moment donné, il y a un calmar géant qui sort de l'eau, qui agrippe le joueur et qui le lance dans les airs. Le même calmar géant, pas le même. Je sais pas si c'est le même. OK. Mais il est très similaire. Oui. OK. Il ressemble à un calmar, je veux dire. Ben oui, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il lance le joueur à son point de sortie de la piste. OK. C'est un peu comme l'acquitu dans Mario Kart qui te ramène sur la route. Oui, mais ça. Là, de manière à faire peur. Oui. Parce qu'il sort de nulle part. Wow. Il sort de l'eau d'un coup, très proche du joueur, puis il le ramasse. Parce qu'une crevette serait bien correct, tu sais. Oui. Là, il n'y aurait pas de peur à avoir, mais un calmar, c'était peur. Exactement. Si je vais dans Doom 2, ça, c'est particulier. Quand on se bat contre le boss final, en fait, c'est une tête, c'est un squelette démoniaque avec des cornes. Déjà assez effrayant à la base, ouais. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est on entend un chant démoniaque et il y a des gens qui ont décidé « Hey, je vais écouter ça, mais à l'envers. » Ben oui, comme tout le monde, la première affaire que tu dis, c'est ça. Exactement. Et qu'est-ce qu'on entend, c'est, là je le traduis en français, « Pour gagner, vous devez me tuer, John Romero. » Oh, le même Romero que dans l'autre jeu, peut-être. Oh! Oh, oh, c'était-tu... oui, c'est exactement le même nom. Ben, merci. C'est plaisir. je vois des liens où il n'y en a pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y en a qui ont découvert, c'est que si tu peux activer quelque chose pour, je pense, défier la gravité, et tu peux sauter où il y a la tête squelettique, et quand tu arrives, tu passes à travers le mur. OK. Donc, il n'y a pas de collision qui ont été programmées. Et quand tu arrives de l'autre côté, eh ben, tu arrives dans une pièce où il y a la tête de John Romero, qui est un concepteur de jeu accroché après un pic. Ah! Et si tu tires sur la tête, eh ben, je pense que ça te fait débloquer une quête supplémentaire dans le jeu. OK. OK, donc c'est comme un accomplissement, un achievement. Ouais, là, ça, ouais, un petit trophée ou peu importe. Exactement, ouais, ouais. Donc c'est ça. Ils ont mis ça dans le jeu. Eh ben. Dans le jeu Outlaws, vous pouvez faire exploser une toilette chimique dans le premier niveau avec une dynamite. Okay. L'affaire, c'est qu'on n'est pas censé avoir de dynamite au début du jeu. Ah. Donc, il faut comme un peu tricher à cet endroit-là. Et là, si tu passes dans les conduits, t'es dans les conduits, il y a un petit peu d'eau au sol qui passe, et il y a comme une forme bizarre, et il y a une fenêtre. Tu ouvres la fenêtre, tu regardes à l'intérieur et tu vois des extraterrestres en train de faire des expériences sur une vache. Et là, si tu continues de fixer, il y a un extraterrestre qui va apparaître et qui va prendre tout l'écran d'un coup sec avec un son aigu. Fais-moi pas ça. Et là, ton personnage va reculer et la fenêtre va se fermer d'un coup. Non, non, non, non. Inacceptable. C'est... Tu sais pas avoir un rond dans mes pantalons. Ouais, c'est ça. Tu me fais pas ça. Mais ils ont fait ça dans le jeu dans une place où on n'est pas censé pouvoir aller. C'est fin, ça. Pardon. Ils se font plaisir à eux-mêmes en faisant ça le plus possible aux joueurs. Alors, on a des adrénalines, de l'émotion. Et pour moi, ça me donne une petite émotion. Je suis en train de m'étouffer. Ben, c'est ça. Dans Metal Gear Solid, il y a un des méchants, c'est le Psycho Mantis. Lui, son don, c'est de faire des prédictions. Mais qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Oh, je vois que t'aimes Ocarina of Time. Oh, t'es un fan de Mario Kart. Okay. » Mais le personnage se déplace, il flotte un peu dans les airs, il fait des mouvements de bras et jambes que ça disloquerait n'importe quel humain. Donc, c'est déjà un peu troublant à la base et il est masqué. Et il te dit des choses comme ça. Ça a fait un peu paniquer les gens qui jouaient. Et tout ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il scanne le contenu de ta carte mémoire. Ben oui. Et selon tes goûts, tes préférences, il te fait des prédictions comme ça. Pour que tu saches que ça, c'est toi que ça vise. Parce que exactement. Comment il fait pour le savoir sinon? Donc, c'est très personnel. J'aime ça. Dans Portal 2, tu as sûrement déjà joué à Portal. Oui, la suite de Portal. Ouais, Portal c'est 2, ça. J'imagine. Il y a une pièce où on entend des voix. Okay. Un murmure très, très de fond. Mm-hmm. Et il s'agit d'un des survivants du laboratoire qui est présenté dans un comic qui se passe entre les deux portals. Okay. Et c'est celui qui aurait fait les graffitis, ce qu'on voit sur les murs un peu partout. Mm. Donc, le personnage est encore présent un peu dans les lieux, mais de manière un peu à l'esprit. Okay. Et tu sais, quand t'entends des voix dans le portal, un endroit où il n'y a rien, c'est sûr que... Ben, c'est un jeu particulier, c'est d'ambiance. Faut que ça dans un genre d'humeur, dans un esprit, c'est bizarre comme jeu. Oui. Tu tires sur des murs et ça fait un portail qui te mène vers une autre place. Puis il y a une voix de fille dans un cube. Je sais pas trop, ouais, j'imagine ce que l'affaire, mais c'est comme super bizarre. Moi, j'ai fait le tour en 1h30 le jour de Noël. Okay. Ça a été ça mon... Mais t'as aimé ça? Oui, j'ai trouvé ça bien comme concept. Dans Sonic CD, on y arrive. Mm-hmm. À l'écran titre, si vous faites bas, gauche-droite, vous atteignez le menu de son. Et si vous entrez les sons 46, 12 et 15, ça active une image. L'image est remplie de Sonic avec un masque de démon, avec une écriture en japonais. Si on traduit, ça fait « Le plaisir est infini, les entreprises Sega ». Ben voyons donc. Ouais, ils ont mis ça dans un jeu de Sonic. Donc ça, je l'avais abordé légèrement dans ma dernière chronique sur Sonic, mais je n'étais pas entré dans les détails. Mm-hmm. Là, je l'ai fait. C'est fait. Dans Metal Gear Solid 2, il y a une salle de conférence. Si vous, y a des projecteurs, il y en a un à gauche, un à droite. Si vous prenez en photo celui de droite pendant qu'il y a une vidéo qui joue, eh bien, au moment que vous faites le flash, il y a un visage qui va apparaître. OK? Donc, c'est un fantôme. C'est ça, c'est troublant. Et quand vous jouez dans la version Xbox, ça fait débloquer un accomplissement. Ben oui, et le nom de l'accomplissement, c'est « Who you gonna call? Ah! » Alors ça, c'est vraiment... C'est un peu... C'est pas très subtil. Ouais, c'est ça. Ça, c'est, je pense que c'est celui qui me trouble le plus. Dans Half-Life 2, il y a des zombies qui se promènent, des gens qui ont un parasite qui se sont installés sur leur tête. Et... leurs tentacules se sont plantés dans le cœur et dans le dos de la personne qui contrôle. Mm-hmm. Okay? Donc, on voit des gens qui se promènent les bras en avant avec un parasite sur la tête couvert de sang. Et ils font un son assez étrange. Si on inverse le son, ça dit d'une voix, quelqu'un qui crie vraiment dans la douleur, on entend « Aidez-moi, oh mon Dieu, aidez-moi. Mm-hmm. » Celle-là, je l'ai trouvée et ils ont pris vraiment quelqu'un de bon pour faire le cri vraiment de douleur. Et ils ont juste mis ça inversé, puis c'est le son que fait les zombies dans le jeu. Ça, c'est... un autre que j'ai bien aimé, parce que ça, c'est un jeu que j'ai joué souvent, dans Halo 2. Quand on arrive à mi-chemin dans l'émission, il y a une créature géante dans les fonds de Halo qui tient en otage Master Chief et l'Arbiter. Mm-hmm. OK? Et il y a une chanson qui joue, la trame sonore. L'affaire, c'est qu'on entend des sons un peu bizarres dedans. Encore une fois, c'est on inverse ça. Et c'est un très, très bon dialogue. C'est quasiment un poème qui a été fait. Ça dit « J'ai marché en compagnie des hommes et des anges pour 3000 ans. Le temps n'a pas de fin, pas de début, aucune utilité. J'ai parcouru la terre cherchant le pardon pour mes crimes horribles commis auprès des humains et des dieux. Je vis pour voir la mort et la destruction, le mal triompher sur le bien, mais le bien ne peut pas être exterminé. Je vis dans la propre prison de ma descente aux enfers. Je suis perdu dans le temps. » Ah ouais, c'est bizarre. C'est... Donc, on n'entend pas les paroles. C'est juste de la musique avec de l'ambiance, c'est j'imagine. Ça. Mais d'avoir pris le temps d'écrire ce texte-là et ensuite de même pas le mettre publiquement. Ben, c'est ça, exactement. Il faut inverser la chanson pour le voir, ce texte-là. C'est pour faire ça, il faut que tu branches ta console dans un ordi. C'est quand même compliqué là, de le voir. Ben, c'est ça. Je trouve ça c'est... étrange. C'est particulier, c'est oui. C'est un cadeau, je pense, qu'on fait aux joueurs dans ce temps-là. C'est comme... Oui, félicitations, vous venez de trouver quelque chose. Voilà. dans Animal Crossing, un jeu très populaire qui est très bien apprécié par les simulation jeunes. Simulation de vie animalière. Ben, exactement. Ça, je comprends pas qu'il y ait mis de quoi de même là-dedans. Si vous voyagez jusque dans un autre village et que vous quittez le jeu sans sauvegarder. Quand vous allez redémarrer, vous aurez de la difficulté à charger votre sauvegarde, puis il y a des éléments qui ne fonctionneront pas bien. Okay. Mais si vous continuez à jouer, à un moment donné, vous allez retourner votre personnage face à vous et son visage va être complètement changé. Et à la place, il va avoir des grands yeux ronds, une grande bouche ronde, vraiment, vraiment face épouvante. Mm-hmm. Puis il va vous regarder comme ça, puis vous allez être pris avec ça. Hein? Pour le restant de votre vie dans ce jeu-là? Ou... Non, c'est, si vous redémarrez après ça, ça se corrige. OK, parfait. Mais c'est, ça a l'air que c'est Nintendo qui a mis ça comme message pour que vous n'oubliez pas de sauvegarder à l'avenir. Mais c'est un jeu pour enfants! C'est un peu épeurant, j'avoue que tu vois ça, ça fait peur, mais en même temps, c'est intelligent, je trouve. Oui, ben c'est ça. C'est un que j'ai trouvé très particulier dans le jeu Runner 2. On peut parce qu'en fait c'est un jeu en 2D où vous courez d'une extrémité à l'autre du jeu, okay, avec plein d'obstacles à éviter, donc on porte pas attention à ce qui se passe en arrière. Mm-hmm. Et si on se fie juste au décor et qu'on oublie le personnage, donc en regardant une vidéo ça m'était possible de faire ça, eh bien on voit souvent Slenderman entre les arbres qui fixe. Le méchant Slenderman qui a causé des meurtres chez les jeunes filles. Oui, exactement. Okay. Et là, OK. Ouais, c'est ça. Donc, on voit Slenderman à plusieurs reprises dans le fond. Et à la fin, vous entrez dans un canon. Et là, le canon bouge de haut en bas et vous devez viser une cible. Okay. Donc, au même titre que Mario qui doit s'accrocher après... Merci. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le même principe fini le jeu. Donc, plus ouais. vous êtes au centre de la cible, plus vous avez de points en okay. finissant. Mais si vous tirez pas au canon... Un moment donné, l'écran va se mettre à gricher de plus en plus. Le son va devenir aigu et fort. Et Slenderman va flasher d'un coup. Il va prendre tout l'écran avec un gros bruit de poing sur une table. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont mis ça dans un jeu. Génial. Dans Super Mario 3D Land, dans le niveau 4-4, quand vous arrivez à la fin, au lieu de sauter justement sur le drapeau, ben vous continuez en arrière. En 3D, on peut le contourner. Ouais. Et vous allez sur le bord de la barrière. Et si vous attendez une minute, il y a un fantôme qui va apparaître derrière Mario. Je l'ai vu, ça. Ah, tu l'as vu? Je l'ai vu en jouant à ce jeu-là, parce que j'ai fait le tour. OK, bon. Mais ouais, je l'ai vu, je me demandais, ouais, OK, c'est ça, c'est supposé être un fantôme. Oui. OK. Oui, mais c'est là. Oui. C'est ça fait rien de plus. C'est ça, ouais. Call of Duty Black Ops 2, il y a un toutou ourson ensanglanté sur une caisse. Et si vous, vous restez là sans bouger, et bien à un moment l'ourson va lever la tête, il va faire un balayage de la pièce, puis sa tête va retomber. Il fait rien de plus. OK. Dans Call of Duty Black Ops 2, Mob of the Dead, si vous avez un, si vous regardez vers les nuages avec un sniper rifle, donc pour pouvoir viser le plus loin que vous pouvez, et ben je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais à un moment donné, il apparaît une face de démon qui a un cri aigu, il flash une seconde, ça arrête là. Pourquoi qu'ils sursautent? Ouais, juste pour faire le saut au joueur. C'est tout. Pas trop pire. Call of Duty Finest Hour dans le niveau Underground Passage. Si vous lancez 3 grenades contre un mur dans un tunnel qu'on peut pas passer normalement, ça va ouvrir une chambre secrète. Okay. Dans la chambre secrète, si vous rentrez là, c'est une pièce circulaire, pas de plafond, seulement des chandelles qui flottent dans le vide. Il y a des portraits bizarres partout sur les murs. Il y a un petit tank miniature qui se promène dans la pièce et il y a un berceau au fond. Si vous approchez du berceau, eh ben il y a le fantôme d'un jeune homme qui va apparaître. Il est accroupi, il se tient les genoux. Il vous regarde pas, il fait juste fixer dans le vide en regardant un peu partout. Puis à un moment donné, il va se lever dans les airs, puis il va disparaître à travers le mur. OK. Ça fait rien de spécial. Non, non, à part faire par... Exactement. Dans Super Mario Galaxy 2, dans la Shiverburn Galaxy, si on prend le mode première personne et qu'on regarde les montagnes, il y a 3 silhouettes qui fixe Mario. Okay? Les silhouettes sombres. Et quand vous déplacez dans le niveau, eh ben, vous regardez et les silhouettes suivent Mario. Il y en a qui ont essayé de faire planter le jeu et de voler. Parce qu'on peut voler dans le jeu, mais normalement, on peut pas dans ce niveau-là. Il y en a qui ont réussi à le faire. Et là, ils vont voler. Ils ont été vers les montagnes. Et quand vous vous approchez, les silhouettes disparaissent. Oh, wow! Ils vous suivent, mais ils veulent pas être attrapés. Donc exactement. Et il y a une limite. On n'est jamais capable de zoomer plus qu'à une certaine précision. Mm-hmm. Donc, ça reste des ombres avec des grands yeux qui regardent. Pour rien. C'est ça. Et ça fait rien dans le jeu. Dans BioShock Infinite, vous pouvez jeter un sort aux gens pour les posséder. Quand vous jetez un sort, il y a le fantôme d'une femme vert qui va tourner autour de la personne que vous possédez, chuchoter de quoi à son oreille et disparaître. Mais la question que les gens se sont posés, c'est qu'est-ce qui se passe dans le chuchotement? Encore une fois, on inverse. Ah, évidemment. Ça revient souvent. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est une partie de la pièce de Roméo et Juliette, écrite par Shakespeare. Et quand on connaît qu'est-ce qui se passe avec Roméo et Juliette, quand on possède quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'enlève la vie. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment ça qu'ils ont voulu recréer de ce côté-là. Dans Hitman Contract, dans un hôtel, il y a une partie qui est dure à faire, mais vous pouvez débarrer une porte. Mais dès que vous vous faites voir par quelqu'un, l'action arrête. Si jamais vous réussissez pendant un long moment à faire cette action-là, vous allez réussir à ouvrir la porte, avoir accès à un corridor qui n'est plus dans le jeu. Donc, il n'y a pas de mission à faire, rien par là. Donc, c'est une zone secrète. Et là, vous allez arriver dans une chambre d'hôtel où il y a eu un meurtre. Donc, il y a du sang partout, il y a un corps à terre. Si vous êtes dans la salle de bain et que vous regardez le miroir, eh bien, il va y avoir un flash et un fantôme va apparaître derrière le joueur. Et évidemment, vous vous retournez, il n'y a rien. C'est... Mais ça n'a aucune quête dans le jeu, vous n'êtes même pas supposé aller là. C'est une place qui est barrée. Mais ils ont mis ça pareil. Ça, c'est une des pires. Dans Mortal Kombat 9, dans le niveau de Crypt, les joueurs ne veulent pas aller dans ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous pouvez débloquer des objets en activant des systèmes de torture. Et il y a des vraies personnes dans le système de torture. Okay. Donc, en torturant du monde, vous donnez des objets. Qu'est-ce qui arrive? C'est que quand vous vous déplacez de manière aléatoire, il va y avoir une créature qui va sauter dans l'écran avec un grand cri fort pour aucune raison. Donc, vous déplacez là-dedans, à un moment donné, ça pop dans l'écran. Tout simplement. OK. Non. Fait que les joueurs essaient d'éviter cette zone-là du jeu. C'est ça, dans le fond, je sais pas comment ça fonctionne le jeu, mais tu peux éviter de ce tableau-là, cet endroit-là, tu peux faire le reste du jeu sans c'est problème. C'est juste pour aller chercher des objets qu'on va là. Donc, ça n'a pas d'incidence dans le jeu. Mais il faut que tu saches qu'il faut pas que tu y ailles pour pas avoir peur, parce que c'est ça va te faire peur. Premier coup, tu fais le saut. Ouais. Et finalement, le dernier, dans le logiciel de la caméra Game Boy. OK. Les ventes ont été atroces. Ça a été raté comme concept. C'est des photos format timbre, genre. C'est ça, exactement. Mais si on... Si on fouille dans le jeu un peu plus, eh bien, il y a des mini-jeux de cachés. Et si vous voulez plus jouer au jeu et que vous décidez de peser sur le bouton Run, donc pour quitter, eh bien, au lieu de quitter, il va apparaître des photos de démons avec les écritures « De quoi avez-vous peur? Ne sois pas si stupide. Ah. » Et ça fait un son aigu. Okay. Mais là, quand tu te promènes, là, tu vois que c'est tous des masques de démons pour, mettons, le curseur ou ces choses-là. À quoi qu'ils ont pensé? Pourquoi? Et en plus, la Game Boy Camera, il y a rien quasiment dans ce jeu-là. Fait que c'est sûr que tu vas tomber sur l'option Run and Money, tu vas devoir cliquer dessus, puis tu vas avoir peur. Pas le choix. Pas mais ça m'a marqué de voir ça, de regarder cette vidéo-là. Ils ont vraiment mis ça dans un logiciel qui allait être utilisé par des enfants. Pas mal, des enfants, ouais. Je l'ai pas compris. Ça, et c'est qui? C'est pas Johnny Cash, c'est-tu... Il y a un musicien célèbre folk américain qui a utilisé une photo de la Game Boy Camera comme couverture d'album. Je savais pas. Neil Young, quelque chose comme ça. Cherchez ça, genre Neil Young de Game Boy Camera, c'est bizarre. Mais bon, et ça voilà. Fait peur. Ouais, et alors, j'ai fini de vous faire peur, ça complète ma chronique. Wow, c'est des émotions qu'on a pu vivre ensemble pendant cette chronique sur les jeux rétro ou pas avec Samuel Girard qu'on retrouve à l'émission Génie en liberté. Oui. Les lundis matins de 9h30 à 11h. Mais pas ce lundi-ci. Pas ce lundi-là. Faut que je saute une semaine. On saute une semaine. Mais il n'a pas sauté aucune semaine depuis maudit bout, là, quand même, là, ce gars-là. Ben, depuis que j'ai commencé. Depuis que t'as commencé. l'action de grâce, la semaine de relâche, rien, aucun congé. Oui. Mais là, une semaine au hasard du mois de novembre, on peut pas être là. Fait que, c'est hors de mon contrôle. C'est avec la station. C'est bien correct. Ah, je viens de comprendre. Oui, c'est ça. On s'en reparlera d'ici là, c'est même pas important, mais à dans deux semaines, donc pour ça et pour ta chronique à l'émission ici, au Mathieu Planchot, c'est en début d'émission, les mardis vers les 13h, 2, 3, 4, 5. Exactement. Merci Samuel Girard. Fait plaisir, bonne fin d'émission. Bonne fin d'émission à moi et bonne fin de journée à toi. Voilà. Pour l'instant, nous, on va continuer avec, ça va faire la musique d'Halloween. J'ai envie de vous faire entendre un medley, ça s'appelle The Ultimate Nintendo Medley. C'est par le Mini Mario Orchestra. C'est un gars qui fait les rôles de toutes les personnes d'un orchestre. Vous avez déjà vu ces vidéos-là sur YouTube, il y en a des tonnes. Mais lui, sa caractéristique, c'est que là, il a fait un medley de plein de chansons de Nintendo différentes, dont Mario, dont les Zelda, dont un paquet d'autres affaires comme ça. On écoute ça, c'est super long, mais c'est super bon, Mathieu Planchot. We'll be right back. L'artiste Weave of K avec Screw on the Loose, une chanson du Ren and Stimpy Show au Mathieu Plante Show. Avant son entendu, The Ultimate Nintendo Medley par The Mini Mario Orchestra featuring The Conductor, arrangé par String Player Gamer, aussi connu sous le nom de Diwa De Leon, composé par plusieurs artistes, évidemment parce que c'était un hommage à plusieurs séries du monde de Nintendo, entre autres Metroid, Earthbound, Star Fox et un paquet d'autres, même quelques références plutôt obscures. Retrouvez The Mini Mario Orchestra sur YouTube, il y a plein de chansons. D'ailleurs, on va en entendre une autre tout à l'heure. Mais continuons, en fait, commençons mes chroniques à moi avec le segment Television à l'instant. C'est Télévision où on parle de télévision et de médias en général. Commençons au Canada anglais avec Rogers et Vice Media qui s'associent pour créer une nouvelle chaîne. Rogers Communications et Vice Media s'associent pour la création d'une co-entreprise de 100 millions de dollars qui va permettre de lancer une nouvelle chaîne télévisée et d'ouvrir un nouveau studio de production à Toronto. Ce partenariat entre Vice, entreprise créée à Montréal, je ne savais pas avant de lire l'article, et le géant canadien des télécommunications Rogers, donc ils vont lancer ensemble une chaîne sous la direction artistique de Vice. En vertu de Rogers ouvrira l'an prochain un nouveau studio de production qui permettra de créer du contenu d'information, des œuvres de fiction et des documentaires. Par contre, on ne sait pas encore où le studio va être placé. Rogers obtiendra par ailleurs les droits exclusifs sur le contenu mobile que l'entreprise distribuera à ses abonnés. Vice supervisera la création du contenu, tandis que Rogers agira à titre de distributeur de ce contenu. À l'origine, Vice était un magazine politico-culturel produit à Montréal. L'entreprise s'est depuis lancée dans la production de contenu vidéo grâce à une populaire chaîne sur YouTube, une série hebdomadaire sur la chaîne HBO. J'étais sur la page Wikipédia de Vice tout à l'heure. C'est le Vice Magazine qui est né à Montréal. Ça disait, attention. Évidemment, quand je vais ouvrir quelque chose qui n'est pas ouvert, ça prend 1000 ans. Créé en 94 à Montréal. Axé sur la culture urbaine, la photographie, l'art et la musique. Bell lance un service de vidéo en continu, donc du streaming, nous dit la presse canadienne. Bell Media lancera prochainement un nouveau service de vidéo en continu qui inclura des centaines de titres du catalogue de HBO. L'entreprise a annoncé que son service baptisé Projet Laté offrira des séries acclamées telles que The Sopranos, The Wire sur écoute et Sex and the City, Sex à New York. The Wire, il sera d'ailleurs offert pour la première fois en HD. Les autres séries d'HBO qui seront offertes dans le service incluent notamment Six Pieds sous terre, Band of Brothers, Cache ta joie, Curb Your Enthusiasm, Big Love, Entourage et In Treatment. Le service proposera aussi le catalogue complet de HBO Films ainsi que les documentaires et spectacles d'humour diffusés par la chaîne. Bell ajoute que le projet Laté serait lancé bientôt et qu'il offrirait plus de 10 000 heures de contenu télévisuel provenant de HBO et des plus grands studios et producteurs indépendants de tout Hollywood. Le service sera offert à tous les abonnés de la télé au pays, moyennant des ententes avec les télédistributeurs participants sur leurs récepteurs traditionnels ainsi que par l'intermédiaire d'applications mobiles, du web et d'autres plateformes. Évidemment, ça va venir faire compétition aussi à ShowMe, qui est l'autre service que Sha lance prochainement en novembre. Si je me rappelle bien, ShowMe, il me semble que c'est par Sha. C'est bien ça? Oui, exact. Ouf! On reste au Canada anglais. Il se passe absolument rien au Québec, vous n'avez pas déjà entendu, donc c'est pour ça qu'on saute complètement le Québec. Q, l'émission de Gian Gomeshi va rester à l'horaire malgré le départ soudain dont on n'abordera pas trop les détails. Mais au lendemain du congédiement de Gian Gomeshi, qui pilotait l'émission de Radio Q, qu'il a aussi lancé, l'animateur invité Brent Bambury a mentionné aux auditeurs de la CBC que le programme resterait à l'antenne. Le diffuseur public a annoncé sa décision de retirer des ondes le populaire animateur en raison d'informations reçues à son sujet et par rapport à sa vie sexuelle. Encore une fois, on ne s'étend pas sur le sujet, contrairement à ses sujets. À lui, oh, ça s'est déplacé. Bambury, qui est à l'emploi de CBC depuis longtemps, a amorcé l'émission en concédant que la journée était bien difficile pour les fidèles du rendez-vous quotidien. Il a aussi rappelé que Q était le fruit d'un effort collectif qui allait se poursuivre sans Gomeshi, sans toutefois faire mention de ce dernier. Je cite, j'aime Q pour les mêmes raisons que vous, mais gardez à l'esprit qu'il y a des dizaines de personnes qui travaillent fort pour présenter l'émission. Ils partagent le succès. Ils sont une grande part. Ils sont, oui, à une grande part du cœur et de l'intelligence de Q. Ils sont encore là et ils sont encore dévoués. Aujourd'hui, nous faisons ce qui est une réalité comme producteur, comme diffuseur et comme individu. Nous allons de l'avant. J'espère que vous serez là avec nous. C'est comme ça que l'émission Q a commencé avec Brent Bamberry, qui, encore une fois, est disponible en balado-diffusion sur le site de CBC pour voir comment l'équipe travaille fort sur cette émission-là. C'est vraiment une émission de fou. Et dans les radios commerciales ou publiques, c'est souvent ça. L'animateur importe très peu, c'est la voix de l'émission. Souvent, il va y avoir des trucs improvisés, mais la plupart du temps, les recherchistes sont ceux qui font le travail, contrairement à des radios universitaires comme celle-ci, vous le savez. Matthew Perry, maintenant, on passe aux États-Unis. Matthew Perry qui retrouve son ex. Matthew Perry va retrouver son ex-compagne Lauren Graham, qui jouera son ex-femme dans la nouvelle série télévisée Odd Couple, drôle de couple bien sûr, en la version française. L'acteur qui jouait le rôle de Chandler Bing dans la série Friends, entre amis, sortait avec Lauren Graham depuis 2002, en 2002, et bien qu'ils soient aujourd'hui séparés, ils n'ont pas hésité à rejouer ensemble dans une nouvelle série. Selon le Hollywood Reporter, Graham interprétera l'ex-femme d'Oscar Madison, jouée par Matthew Perry dans la série Odd Couple. La nouvelle série qui va sortir en 2015 est basée sur la pièce de Neil Simon, qui raconte la vie de deux amis d'université qui s'installent ensemble après l'échec de leur mariage. Thomas Lennon va jouer le rôle de Felix Unger, l'ami colocataire d'Oscar Madison. Il y a eu un film sur Odd Couple, si vous ne connaissez pas. C'est dans l'histoire des sitcoms les plus marquantes. Une touche de modernité pour Peter Pan maintenant. Fox met en route le développement de The League of Pan, série qui se déroulera à Los Angeles 15 ans après le départ des enfants perdus du pays imaginaire. La chaîne puisera dans la mythologie de Peter Pan, célèbre enfant qui se refuse à grandir, pour mettre sur pied une série qui pourrait être proposée à la rentrée 2015. Plusieurs années après leur départ du pays imaginaire, les enfants perdus, amis orphelins de Peter Pan vont se retrouver. Tués un à un, ils cherchent à savoir qui est derrière cette série de meurtres. Afin de rester en vie, oui, ils devront redécouvrir la magie qui sommeille en eux, celle qui les avait rendus intrépides face aux multiples dangers de leur ancien monde. Andrew Miller de The Secret Circle va se charger de retranscrire l'ambiance de Neverland et des enfants perdus dans une version modernisée se déroulant de nos jours à Los Angeles. Évidemment, ça vient après la comédie musicale inspirée de Peter Pan qui va être diffusée sur NBC dans le coin des fêtes. Super bien. La jeunesse de Superman sous la loupe. L'arrivée de Gotham sur Fox aura donné des idées à Warner Brothers. Selon le site bleedingcool.com, le studio aurait en tête de développer une série consacrée à Superman sous le titre de Krypton. Oui. Après les jeunes années de Batman explorées actuellement dans Gotham, l'enfance de Superman ferait à son tour l'objet d'un show télévisé. En croire le nom Krypton, le projet pourrait se dérouler sur la planète d'origine du super-héros de DC Comics. Né sous le nom de Kal-El, le héros a été envoyé sur Terre par son père, un grand scientifique, et sa mère afin de le protéger de la destruction totale de Krypton. Un épisode de sa vie qui a été abordé dans L'Homme d'Acier, le premier volet d'une nouvelle trilogie qui marque le renouveau de la franchise. Son scénariste David S. Goyer, grand spécialiste des super-héros au grand écran, s'impliquerait d'ailleurs dans la conception de cette série. L'homme a également signé la prochaine apparition au cinéma du kryptonien Batman vs. Superman, prévu pour 2016, mais l'existence de Krypton n'a encore rien d'officiel. On annonce le retour de Hugh Laurie à la télévision. Hugh Laurie, l'interprète de Dr. House, participera à une adaptation télévisée du roman Le directeur de nuit de John le Carré, annonce The Hollywood Reporter. Le Britannique y donnera la réplique à son concitoyen, donc un autre Britannique, Tom Hiddleston. Paru en 1993, The Night Manager raconte l'histoire de Jonathan Pine, un ancien soldat de l'armée britannique devenu directeur de nuit dans un palace de Zurich. Un jour, il reconnaît l'un de ses clients, Richard Roper, un trafiquant d'armes international qui fut l'amant d'une femme morte depuis, qu'il a lui aussi aimé. Jonathan fomente alors sa vengeance. Destinée aux chaînes américaines et anglaises AMC et BBC, cette série limitée à 6 ou 8 épisodes, 6 ou 8, peu importe, des chiffres pas ronds, marquera le grand retour au petit écran de Hugh Laurie, qui a joué dans House MD, Dr. House, de 2004 à 2012. Un autre retour, en fait, c'est celui de Neil Patrick Harris avec une émission de variété. NBC ramène Neil Patrick Harris au petit écran en tant qu'animateur de cette émission de comédie et variété qui va être basée sur un format britannique Ant & Dec Saturday Night Takeaway. NBC n'a pas encore donné le titre de la version américaine ni quand ce sera diffusé, mais il va y avoir 10 épisodes. L'émission qui va présenter des sketchs, des numéros musicaux et des jeux avec des apparitions de vedettes sera filmée devant public. Moi, ça me rappelle Hollywood Game Night, l'émission de petits jeux de société en petits groupes qui est diffusée aussi sur NBC et ça fonctionne super bien, donc c'est normal qu'on essaie d'en faire plus. Et évidemment, si vous voulez un comparatif sur invitation seulement est supposément un concept québécois, mais ça ressemble pas mal à ça. Monsieur Harris a été animateur pour les galas des prix Emmy et Tommy. D'ailleurs, on a annoncé qu'il allait animer les Oscars en 2015 encore. C'était l'une des vedettes des 9 saisons de la comédie Comment je l'ai rencontré, How I Met Your Mother. Il tient un rôle dans le film de suspense Gone Girl. C'est genre quelque chose apparence de David Fincher en ce moment. Sous les apparences, quelque chose de genre. Maintenant, la série Frisson à la télé pour l'Halloween 2015. L'adaptation à petit écran de la saga horrifique de Wes Craven, Frisson tentera d'effrayer les téléspectateurs de MTV à partir d'octobre 2015, a officialisé le diffuseur américain. Après la distribution dévoilée en août dernier, MTV annonce désormais une date de diffusion pour la série Frisson. Le show inspiré par les quatre volets de Wes Craven et de Kevin Williamson débarquera à la télévision américaine en octobre prochain, à la période donc de l'Halloween. L'intrigue des 10 épisodes commandés demeure encore floue. Il se pourrait même que le célèbre tueur au masque blanc qu'on appelait Ghostface ne soit pas de la partie, du moins pas immédiatement. MTV a pour le moment uniquement levé le voile sur les protagonistes. Je vous saute les détails, c'est sur assemblagerequis.com, on se fout un petit peu des personnages en tant que tel. Développé par Jill Blutte Vogel est scénarisé par Jay Beetle et Dan Dworkin, qu'on connaît pour Esprit criminel. Le pilote a été réalisé par Jamie Travis, Wes Craven, qui est impliqué dans la production de la série, contrairement à Kevin Williamson, le scénariste de la saga qui est passé depuis à l'émission de Following. La franchise Frisson, qui a rapporté plus de 600 millions de dollars à travers le monde. Espérons pour eux que ça va se convertir en public à la télé. Maintenant, vous connaissez sûrement la vedette de NCIS, Mark Harmon. Il va produire Shakespeare's Sisters, un drame fantastique qui utilisera le célèbre dramaturge anglais pour héros, donc Shakespeare. C'est ce que dit The Hollywood Reporter. La série va mêler imaginoire, romance et vengeance pour évoquer l'ascension de William Shakespeare dans le Londres de 1590. Le jeune homme sera pris dans un conflit meurtrier entre trois sorcières et la femme la plus puissante d'Angleterre, la reine Elizabeth. Écrit par Scott Sullivan, qu'on connaît pour NCIS Los Angeles, le projet de la CW deviendra la deuxième production de Mark Harmon après le succès de NCIS New Orleans, qui est le plus gros succès, à moins que je me trompe, sur CBS cet automne, quelque chose du genre. Sinon, l'émission dramatique la plus populaire, mais je crois que c'est le numéro 1 des nouveautés. Affleck et Damon parlent de télékinésie dans leur prochain projet ensemble. Le duo composé de Ben Affleck et Matt Damon multiplie les projets télévisés depuis une année. Sa dernière trouvaille au duo, une comédie fantastique qui destine à Fox, selon, encore une fois, The Hollywood Reporter, c'est eux qui brisent la plupart des nouvelles. Encore sans titre, la série s'intéresse depuis... Ouais, il me semble que c'était tout le temps Deadline.com qui brisait absolument chaque nouvelle depuis quelques mois, mais je pense que maintenant c'est pas mal, Hollywood Reporter. Encore sans titre, la série s'intéressera à une jeune femme de 25 ans, dont la vie n'a aucun sens jusqu'au jour où elle se découvre des pouvoirs de télékinésie. Produit par les deux comparses via leur société Pearl Street Films, le projet sera développé avec l'aide de Colleen McGuinness, ancienne scénariste et productrice de l'émission, la sitcom 30 Rock. Il s'agit de la deuxième collaboration entre la Fox et les Amis Inséparables, après The Middleman, série repoussée en raison de l'emploi du temps surchargé de Ben Affleck, qui doit en réaliser le pilote. Les deux stars hollywoodiennes travaillent également pour Sci-Fi sur Incorporated et planchent sur le retour de Project Greenlight, une sorte de concours télévisé pour réalisateurs et scénaristes qui avait été diffusé sur HBO et Bravo entre 2001 et 2005. Ça revient. American Gigolo, est-ce que vous connaissez? C'est un film de 1980 qui a popularisé Richard Gere et ça va connaître prochainement un second souffle grâce au petit écran. Paramount Television compte développer une série à partir de ce thriller psychologique. 10 ans avant l'énorme succès de Une jolie femme, Pretty Woman, Richard Gere s'était fait remarquer dans American Gigolo, un film qui le plaçait dans la peau de Julian Kay. Gigolo à Los Angeles afin d'assouvir ses goûts luxueux pour les belles voitures et les vêtements de grandes marques. Cet homme devient le premier suspect de la police lorsque l'une de ses cliente fortuné et retrouvé assassiné. Pour mettre sur pied son projet, Paramount Television s'entourera de Jerry Bruckheimer et de Paul Schrader, respectivement producteur et scénariste réalisateur du film. Voilà, c'est tout. C'est tout pour notre portion Television. Mais ce qui complète cette chronique-là, c'est comme toujours les codes d'écoute. Donc, regardons ce qui s'est passé dans la semaine du 13 au 19 octobre 2014. Au Québec, position 15 à 6 en rafale, la Pelouse d'or, Fort Boyard vlog sur invitation seulement, les pêcheurs au complexe G Mémoire Vive, au secours de Béatrice et les enfants de la télé. En cinquième, c'est toute la vérité. En quatrième, Yamaska. Troisième, tout le monde en parle. Deuxième, le banquier. En première, c'est une émission de Radio-Canada, Unité 9. Du du côté du Canada anglais, qui existe en rafale, Person of Interest, Blue Bloods, Amazing Race, Grey's Anatomy, Survivor, How to Get Away with Murder, CSI, NCIS New Orleans, NCIS et Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. En cinquième, c'est The Flash. En quatrième, Castle. En troisième, Gotham. Deuxième, Criminal Minds. Et en première, c'est The Big Bang Theory sur CTV. Voilà. Voilà pour Television Television. Tout à l'heure, on va être rendu à la chronique Merci Science. Mais avant ça, comme je vous l'ai promis tantôt, une autre pièce du Mini Mario Orchestra. Ils en ont des tonnes. Et en fait, comme je l'ai dit en début d'émission, c'est seulement une personne qui fait le rôle d'absolument tout le monde. Hein? Donc, on va l'écouter faire tous les instruments et aller voir les vidéoclips. Ils sont tout le temps sous le même format. Le conducteur, qui est le personnage principal à l'avant-scène, avec sa baguette, va commander les musiciens à sortir de blocs point d'interrogation de Mario Bros. Et là, chacun des personnages sort de sa boîte. Il y en a neuf d'un côté, neuf de l'autre et un autre en vedette à l'avant-plan à gauche. Et puis, chacun des personnages fait des choses. Même s'ils ne sont pas en train de jouer, ils vont faire des mimiques. Ils vont faire un paquet de simagrées. Donc, on écoute The Mini Mario Orchestra. Voici un super medley de juste des pièces de Super Mario 3. C'est cool, c'est bon. J'adore ça. Vous êtes à MPS, le Mathieu Plante Show, sur C'est fou. We'll be right back. passion. C'est fou. 89.1. Thank you. Ah, ça, c'était fantastique! C'était un hommage au tableau d'eau de Mario. Vous savez, tous les tableaux avec de l'eau dedans où on nage. Il y a des chansons, le fun qui joue derrière. Donc, il y a des chansons de Super Mario 3, Super Mario 64. Il y avait même du Zelda, Ocarina of Time et Donkey Kong Country, qui est, pour ceux qui ne savent pas, un dérivé de Mario quand même, parce que Donkey Kong est apparu pour la première fois dans le jeu Donkey Kong, puis Mario était dans le même jeu. Donc, c'est un dérivé de l'un et de l'autre. Voilà, donc, c'est via le blog gamemusicforall.com. Allez retrouver ça sur assemblagerequis.com. Avant ça, on a entendu Super Mario Brothers Street Super Medley par Mini Mario Orchestra. Ce qui nous amène à Merci Science. Non, l'autre, celui-ci. Allô? Allô? C'est Merci Science, où on remercie la science d'exister. On a plein de choses vraiment intéressantes aujourd'hui. Par exemple, on commence avec du cacao. Chez l'homme, l'altération de la mémoire liée au vieillissement naturel serait causée par des changements dans une région spécifique du cerveau. Cette forme de déclin cognitif pourrait être enrayée par une intervention diététique à base de cacao. Oui. Consommer du chocolat freine le déclin cognitif lié à l'âge, indique une étude parue dans Nature Neuroscience. Plus précisément, ce sont les flavanols de cacao, des substances naturellement présentes dans les fèves, qui est un sous-groupe des flavonoïdes, qui peuvent ralentir la détérioration due à la vieillesse d'une région spécifique du cerveau, appelée le gyrus denté. Cette zone était considérée, jouée, drôle de formulation de phrase, un rôle possible dans la mémoire, donc la préserver protégerait la fonction intellectuelle. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont procédé à l'expérience suivante. Après avoir été soumis à des tests de la mémoire et à l'image cérébrale, oui, 37 volontaires sains, âgés de 50 à 69 ans et sélectionnés au hasard, ont consommé quotidiennement pendant 3 mois une boisson riche en flavanol, donc 900 mg par jour, ou à faible teneur, donc 10 mg par jour. Passé le trimestre, une nouvelle série de tests a mesuré chez ces personnes le volume sanguin du gyrus denté, le métabolisme, la reconnaissance de motifs visuels pour caractériser le type de mémoire contrôlé par le gyrus denté. Résultat, les buveurs de la boisson riche en flavanol présentent une amélioration notable de la fonction du gyrus denté. Il se révèle aussi meilleur en test de mémoire. En outre, les flavanols pourraient aider à prévenir les risques cardiaques et vasculaires cérébraux. Une étude parallèle dans un autre établissement va tester ces possibles propriétés. Les auteurs de ces travaux souhaitent à présent répliquer leur expérience à plus grande échelle. Ils soulignent que le breuvage utilisé dans l'étude est une formulation spécifique et différente du cacao qu'on retrouve dans le commerce. Surconsommer des tablettes de chocolat pour stimuler sa mémoire ou son moral n'est donc pas recommandé, mais en même temps, on entend bien ce qu'on veut entendre. Hein? Moi, j'ai juste lu jusqu'à la phrase d'avant, je me rappelle pas de la dernière. Les personnes souffrant du syndrome de fatigue chronique présentent des anomalies cérébrales selon une étude publiée dans la revue médicale Radiology et réalisée à partir de différentes techniques dont l'IRM. Le syndrome de fatigue chronique SFC, également appelé encéphalomyélite myalgique, bien sûr, c'est ce que je dis tout le temps, se caractérise par une fatigue persistante et inexpliquée qui perdure pendant des mois, voire des années malgré le repos. Considérée comme une maladie neurologique, elle apparaît souvent de façon soudaine, entraînant une détérioration rapide et importante de la santé. Les symptômes ne se limitent pas à une grande fatigue, mais comprennent aussi des douleurs articulaires et musculaires, des migraines, un gonflement des glandes lymphatiques, des problèmes gastro-intestinaux et une tension artérielle anormale. Plus d'un million d'adultes et d'enfants en sont affectés aux États-Unis selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies. Dans le cadre d'une nouvelle étude dont les résultats sont parus dans la revue Radiology, des chercheurs ont effectué des examens d'imagerie par résonance magnétique, donc des IRM, sur 15 patients, hommes et femmes, atteints de ce syndrome et sur un groupe témoin de 14 personnes des deux sexes et du même âge en bonne santé. Ils ont utilisé 3 différentes techniques d'IRM pour obtenir une analyse volumétrique permettant de mesurer la taille des différents compartiments du cerveau pour observer la substance blanche composée de fibres nerveuses transportant des messages entre les neurones pour mesurer le flot sanguin cérébral. Pardon. Non, c'est pas fini. On va l'avoir. La comparaison des différents résultats a révélé que les personnes souffrant du syndrome de fatigue chronique ont un volume légèrement plus faible de substance blanche. Il existe aussi chez elles une diffusion anormale de molécules d'eau dans une partie de la substance blanche de l'hémisphère cérébral droit. Enfin, les chercheurs ont constaté chez les sujets souffrant de ce syndrome des anomalies dans les deux parties du cerveau qui relient le lobe frontal et le lobe temporal. Plus ces deux parties du cerveau sont anormales, à savoir plus épaisses dans leur apparence, plus leurs symptômes sont sévères. Ces résultats permettent donc d'envisager la disponibilité d'un biomarqueur du syndrome de fatigue chronique qui pourrait aider à la diagnostiquer dans le futur. Bien que cette étude ne porte que sur 15 malades, c'est pas beaucoup, Les techniques d'imagerie sont prometteuses comme outil de diagnostic afin d'identifier les personnes souffrant de cette pathologie. Un juge et chercheur qui précise avoir obtenu un taux de détection de 80 %. Outre l'outil diagnostic, des IRM pourraient aussi identifier les mécanismes du cerveau où la maladie affecte le système nerveux central. Et l'hypothèse d'une cause virale est volontiers retenue car une infection est souvent repérée comme facteur de déclenchement couplé à un dysfonctionnement du système immunitaire. Des scientifiques de l'Université de Cincinnati et de l'US Air Force Research Lab ont développé un timbre épidermique qui analyse les biomarqueurs présents dans la sueur et transmet les informations à un téléphone intelligent. Cet équipement pourrait aussi aider les athlètes, les athlètes que les nouveaux-nés prématurés ou encore les personnes souffrant de diabète. Grâce à une technologie qui vient d'être dévoilée, l'analyse de la sueur pourrait servir à évaluer en temps réel l'état de santé d'un individu. Le système se présente sous la forme d'un timbre épidermique qui a été développé par une équipe réunissant des chercheurs de l'Université de Cincinnati et de la US Air Force Research Laboratory. Le timbre incorpore un papier microfluidique similaire à celui qu'on retrouve dans les tests de grossesse. Il peut mesurer les concentrations d'ions des biomarqueurs présents dans la sueur, comme les électrolytes, métabolites, protéines, acides aminés, etc. Et transmet des données à un téléphone via une liaison sans fil. Autant d'informations qui correspondent à un état physique et peuvent être interprétées selon les circonstances. Chez un sportif, le timbre pourrait par exemple mesurer le niveau des électrolytes dont la baisse engendre des crampes. Il pourrait aussi servir à surveiller les signes vitaux d'un nouveau-né prématuré sans avoir à lui faire subir des prises de sang à répétition. Les personnes souffrant de diabète pourraient-elles aussi porter ce type de patch pour surveiller leur niveau de glucose? Et de manière plus générale, ce timbre aiderait les médecins à affiner le dosage des traitements médicamenteux en mesurant les métabolites présents dans la sueur. Au bout du compte, l'analyse de la sueur offrira une vue minute par minute de ce qui se passe dans le corps avec un échantillonnage de la sueur localisé et stimulé électroniquement à la demande de façon non intrusive et pratique. Le timbre adhésif contient un circuit électronique, une antenne, une puce contrôleur et le papier microfluidique organisé selon un motif en forme de racine d'arbre afin de maximiser la zone de prélèvement. Pour ne pas saturer le papier et disposer d'un flux de sueur sur une certaine durée, un hydrogel très absorbant capte et conserve la transpiration. C'est vraiment beaucoup de choses dans un petit objet. L'alimentation du timbre se fait par un téléphone intelligent comme une étiquette électronique passive. Il s'active dès que le mobile est suffisamment proche. Le premier prototype fonctionnel mesure les concentrations de sodium et de chlorure. Les prochaines versions pourront faire des analyses plus complètes précitées, qu'on avait dit en haut, en prenant en compte les électrolytes, métabolites, protéines et autres acides aminés. Un timbre de deuxième génération utilisant une connexion Bluetooth sécurisée est presque prêt déjà. Les essais humains avec des partenaires industriels sont prévus d'ici la fin de l'année 2014 et un programme pilote avec des étudiants sportifs devrait démarrer début 2015. Fascinant. Une balade en extérieur par temps ensoleillé serait une solution tout simple pour réduire les épisodes graves d'asthme, selon une étude menée à l'Université de Tel Aviv. Même si des recherches précédentes ont remis en question les effets de la vitamine D sur l'asthme, le directeur d'une étude parue dans la revue Allergy pense maintenant que les rayons du soleil, lesquels favorisent la synthèse de la vitamine D chez l'homme, pourraient permettre de réguler les réponses immunitaires et entraver l'emprise de l'asthme sur le système immunitaire tout entier. Pour cette étude de grande ampleur, les chercheurs ont travaillé à partir de données concernant 307 900 personnes, dont les niveaux de vitamine D ont été mesurés entre 2008 et 2012. Le docteur et son équipe ont pris en compte les facteurs prédictifs de l'asthme, comme l'obésité, la cigarette et d'autres maladies chroniques. Sur les quelques 21 000 personnes étudiées atteintes d'asthme, celles qui enregistraient des carences en vitamine D étaient plus susceptibles à hauteur de 25 % que les autres asthmatiques d'avoir récemment eu une crise. Les médecins ont longtemps associé les carences en vitamine D et la recrudescence de crises d'asthme, mais une étude récente menée par la Washington University School of Medicine de St. Louis avait montré que l'ajout de vitamine D3 dans les corticoïdes inhalés par les patients les pompes n'avaient pas entraîné d'effet positif sur le traitement. Le docteur recommande aux personnes souffrant d'asthme de faire mesurer leur niveau de vitamine D et en cas de carence, il leur conseille la prise de compléments. On peut aussi en faire le plein en s'exposant aux rayons de soleil, en consommant du poisson, des œufs, du foie, de morue et en buvant du lait enrichi de vitamine D, bien sûr. Ah, et une nouvelle en bref, pas super importante, mais intéressante pour ceux que ça intéresse, hein, c'est comme on dit. Vous avez rêvé d'avoir Stephen Hawking parmi vos amis Facebook, ben c'est devenu possible récemment grâce à une page officielle qui lui est dédiée. Vous connaissez le grand scientifique Stephen Hawking avec ses trucs de trous noirs, etc., etc. Donc, une page officielle tenue par les membres de son équipe existait depuis le 7 octobre 2014, mais le plus célèbre cosmologiste en vie a décidé d'y poster des messages lui-même qu'il signe de ses initiales SH depuis le 24 octobre. Traduction de son premier message, je cite... Je me suis toujours interrogé, oui, sur l'origine de l'existence de l'univers. Le temps et l'espace resteront peut-être pour toujours des mystères, mais cela ne va pas s'empêcher de poursuivre mes interrogations. Les connexions entre chacun d'entre nous se sont multipliées à l'infini et maintenant que j'en ai l'occasion, j'ai le désir de partager ce voyage avec vous. Soyez curieux, je sais que je serai toujours bienvenue et merci de visiter ma page Facebook. Signé SH. Plus de 1,9 million de personnes sont déjà inscrites sur cette page. On a pu assister à un échange entre le chercheur et Richard Branson, lequel, avec Virgin Galactic, espère avoir l'occasion d'envoyer Stephen Hawking dans l'espace. On se rappelle tous la nouvelle qui a eu lieu, c'était plutôt cette semaine, je crois, sur un vol de Virgin Galactic qui a explosé, quelque chose comme ça. Je pense que je dis peut-être n'importe quoi. Virgin Galactic, mais il me semble que c'était eux dans les nouvelles. Oui, crash de Virgin Galactic. Pourquoi le tourisme spatial? Non, non, non, oui, c'est bien ça. Voilà, c'est dit. Hein? Pas n'importe quoi, ces informations-là. Là. Hein? Voilà pour Merci Science. On remercie la science d'exister. Ah, salut! Tout à l'heure, il va nous rester encore le segment Geek CNX. C'est pas mal tout ce qu'on va avoir le temps de faire pour aujourd'hui. Ça et la nouvelle série musicale en concert qui, cette fois-ci, on passe une nouvelle, cette semaine. Ça s'appelle Audio Engineering a Tribute to Sid. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais avant ça... Attends un peu, toi, là. Est-ce que ça a bien téléchargé ma pièce? Parce que je pense que c'est un 8 secondes, la prochaine pièce de Chiptune. On va juste essayer voir si... C'est Duck Bass Drop par Duck Boy. Je pense que c'est juste un... On va voir. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est qu'elle marche pas. Donc, on va passer à la prochaine. On va l'entendre. Ouais, mais non, ça arrête ça. C'est fini. On passe à autre chose. C'est Carbonation par Imagineer qu'on s'en va entendre tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Bon, on va prendre une pause. On revient tantôt. Restez là. Fou de différence. C'est Fou, 89.1. Vous êtes toujours au Mathieu Plante, soit avec Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante. On était rendu à notre série musicale, hein, pourquoi pas, on pense à ça. On pense à Audio Engineering, A Tribute to Sid, hein, qui met en vedette 13 pièces de 12 artistes différents qui réarrangent les chansons de la série de jeux vidéo Final Fantasy. L'album contient aussi des images inspirées par les incarnations de Sid, un personnage fictif récurrent dans la série. Vous pouvez retrouver ça sur assemblagerequis.com. Il a été fait par les fans, l'album pour les fans, et n'est pas affilié avec Square Enix du tout. Et cet album a pour mission de promouvoir la musique inspirée par les jeux vidéo et des artistes talentueux qui ont participé au projet. On va entendre les trois premières pièces de l'album. Plus tard, il y aura Dreams of Glory ainsi que Above the Clouds. Mais commençons par Sky High or How the Sun Set an Engineering Age. Au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Les trois pièces qui ouvrent la compilation Audio Engineering Tribute to Sid, avec 13 pièces par 12 artistes différents. C'est par ocremix.org, comme toutes nos séries musicales au Mathieu Plante Show. C'est toujours fantastique. Je suis très surpris parce que je connais pas tellement la série Final Fantasy et je connais pas vraiment la trame sonore non plus. Et ça, en plus, ça rend hommage à tous les jeux de Final Fantasy dans la série au complet. C'est magnifique. On va continuer pendant les prochaines semaines et sinon mois à écouter cette musique-là à travers nos Mathieu Plante Show de semaine en semaine. Maintenant, tiens, parlons de technologie dans Cynix. C'est le segment Geek CNX. On commence avec un prototype de drone ambulance présenté aux Pays-Bas. Un des premiers prototypes de drone ambulance au monde capable de transporter un défibrillateur en un temps record auprès de victimes d'arrêt cardiaque a été présenté aux Pays-Bas à l'Université de Delft. Équipé de 6 hélices pouvant atteindre une vitesse de 100 km par heure et transporter une charge de 4 kg, le prototype se dirigera de manière indépendante en localisant l'origine d'un appel d'urgence en utilisant les données GPS. On dit qu'environ 800 000 personnes subissent un arrêt cardiaque chaque année dans l'Union européenne et seulement 8% d'entre eux, d'entre elles survivent. La principale raison est le temps relativement long nécessaire aux services de secours pour se rendre sur place, soit environ 10 minutes, alors que la mort de ce genre de situation se produit après 4 à 6 minutes. Le drone ambulance pourrait transporter un défibrillateur en une minute dans une zone de 12 km², faisant passer les chances de survie de 8 à 80%. Une fois sur place, le personnel médical pourrait communiquer et donner des instructions à ceux se trouvant auprès de la victime, et ce notamment à l'aide d'un micro et d'une caméra embarquée. Ce drone n'existe pas encore, ce n'est qu'un prototype, mais il a déjà frappé dans l'œil des services d'urgence néerlandais, notamment à Amsterdam, et s'est attiré les louanges de la Fondation néerlandaise pour le cœur. Donc on souhaite qu'un réseau de drones d'urgence soit développé aux Pays-Bas d'ici 5 ans, oui. On rêve que le drone soit une véritable trousse médicale volante. Avec une structure construite en fibre de carbone et certains éléments produits à l'aide d'une imprimante en 3D, un drone ambulance devrait coûter environ 21 000 $ par pièce. Début 2016, un engin conçu par les étudiants de l'Université de Carnegie Mellon se posera sur la Lune pour débuter une expérience inédite pour permettre, oui, à des personnes équipées d'un casque à réalité virtuelle de piloter la caméra du robot en bougeant la tête pour explorer la surface lunaire en vue subjective. Il y a quelques mois, le rover Opportunity, oui, qui explore actuellement la planète rouge, a pris en photo le passage de la comète Siding Spring, offrant un témoignage unique de cet événement exceptionnel. Donc on rêve et on imagine qu'on pourrait assister à ce spectacle à travers l'objectif des caméras d'Opportunity, comme si on la regardait en direct de nos propres yeux. Si une telle expérience ne sera peut-être pas réalisable avec une planète aussi lointaine que Mars, elle sera bientôt possible avec la Lune. Des étudiants et des chercheurs de l'Université Carnegie Mellon ont en effet conçu un engin lunaire dont la caméra vidéo 3D pourra être contrôlée depuis la Terre à travers un casque à la réalité augmentée Oculus Rift. La personne verra avec les yeux du robot et il lui suffira de tourner la tête pour regarder ce qu'il y a autour. Donc, ce serait comme une GoPro, mais en meilleur, nous dit un des étudiants impliqués dans le projet. Le robot surnommé Andy, en hommage au fondateur de l'Université Carnegie, Mellon, Andrew Carnegie, devrait débarquer sur la Lune fin 2015, début 2016. Il y a plein d'autres détails sur assemblagerequis.com. Vous avez peut-être entendu parler du projet de Google sur les nanoparticules. Une spécialiste appelle à la prudence. Le projet dévoilé par Google d'utiliser des nanoparticules pour détecter précocement des maladies comme le cancer ne sera certainement pas la solution, mais un éventuel outil supplémentaire, juge la spécialiste Agnès Buzyn, qui appelle à la prudence face à ce type d'annonce. Google X, le laboratoire du géant Internet américain qui travaille sur des projets futuristes comme les lunettes interactives ou la voiture sans chauffeur, on en parle sans cesse, travaille sur l'utilisation de nanoparticules d'une taille entre 1 et 100 nanomètres, c'est-à-dire 1 à 100 milliardième de mètre, comme outil de détection. Ces nanoparticules intégrées sous la forme de comprimés pour pénétrer dans le sang seraient conçues pour repérer et se fixer sur un type particulier de cellules comme les cellules tumorales. Un diagnostic pourrait ensuite être réalisé en associant ces nanoparticules à un objet connecté équipé de capteurs spéciaux. Le but est d'aider les médecins à détecter les maladies dès leurs prémices. Agnès Buzyn, présidente de l'Institut national du cancer, elle-même spécialiste des cancers du sang, s'avoue très prudente face à cette annonce. Je cite, c'est une prouesse technologique qu'il vise à terme. Est-ce que ce sera une révolution médicale dans le sens où cela balayerait tout ce dont on a besoin actuellement pour poser un diagnostic? Cela me paraît contradictoire avec ce que l'on connaît actuellement de la biologie pour les tumeurs. Un diagnostic, un pronostic, une maladie s'évalue avec de nombreux paramètres, facteurs génétiques, facteurs de risque comportementaux, système immunitaire, etc. Tout ça ne peut être rapporté à une seule technique, si performante soit-elle. Fin de la citation. Ce type de technique pourra représenter un outil de plus dans l'arsenal que nous avons déjà, mais ça ne révolutionnera pas le diagnostic. Et donc, le résumé de la chose. Avec le Cookio Connect, Moulinex compte inviter sous le sapin le premier autocuiseur connecté en Bluetooth à un smartphone ou à une tablette. Le fabricant français fait évoluer sa gamme Cookio tout en laissant sa communauté d'utilisateurs très libre. C'est évidemment dans la suite des objets de tout est connecté, l'Internet des choses, The Internet of Things. Présent dans l'espace haute technologie et objets connectés de la Paris Games Week, le stand de Moulinex apparaît vraiment comme décalé, nous dit le site très français Clubic. Pourtant, la marque a bien sa place dans cet espace puisqu'elle présente le Cookio Connect, un autocuiseur donc, qui n'est pas une surprise puisque l'entreprise l'a déjà montré plusieurs fois cette année, mais Moulinex a désormais fixé une date de sortie en décembre. Ce multicuiseur dispose, comme son prédécesseur, d'un écran intégré qui permet d'accéder à 100 recettes et offre un pas à pas pour ne rien rater. Hein, pour les cuisiniers paresseux entre nous. Mais la vraie nouveauté se trouve dans la connexion Bluetooth qui permet de connecter le Cookio à une tablette ou à un téléphone intelligent pour accéder à des recettes supplémentaires ainsi qu'à des fonctionnalités complémentaires. Il est notamment possible d'enregistrer une liste de courses sur son téléphone pour savoir précisément quels ingrédients il faut acheter pour cuisiner, télécharger 100 recettes supplémentaires et accéder à des tutoriaux. En français, c'est un didacticiel culinaire. L'application MyCookio peut être consultée partout, mais dans la mesure où le multicuiseur ne se connecte pas directement à Internet, il n'est pas possible de lancer le réchauffement d'un plat à distance. Opportunité ratée de la part de Moulinex, j'en veux plus. La gamme existe depuis 2012, on parle de Cookio. Une forte communauté d'utilisateurs s'est formée sur Internet, notamment par le groupe Facebook, que vous pouvez retrouver en lien sur assemblagerequis.com. On aurait pu croire que le développement d'une version connectée du Cookio aurait motivé Moulinex à se réapproprier cette communauté en développant sa propre plateforme, mais ce n'est pas le cas. Et l'entreprise se contente de mettre en valeur cet élan communautaire qui s'est développé alors qu'elle ne s'y attendait pas. Évidemment, ça coûte bien moins cher. La communauté le fait déjà. Pourquoi faire sa propre affaire quand tu peux juste demander aux gens de le faire gratos? Le Cookio Connect sera disponible en décembre. Un prix donc de 300 et plus dollars. 350, 400 dans ces coins-là. Donc ça permet de rajouter des recettes ensuite par le billet. Un prix qui n'est pas si éloigné du précédent modèle, le Cookio USB, qui permet donc d'ajouter des recettes par le billet d'une clé USB. Voilà. On va aller voir. Vous me donnez deux secondes, hein, vous êtes sage. 430 $ canadiens. Voilà. Nestlé, on reste dans les robots. Nestlé va utiliser des robots pour vendre ses machines à café. La firme japonaise du groupe suisse Nestlé a annoncé qu'elle allait utiliser comme vendeur de machines à café 1000 robots Pepper, développés par la société française Aldebaran avec sa maison-mère japonaise, l'opérateur de télécommunications SoftBank. C'est la première fois qu'autant de robots vont être utilisés dans des commerces. Les Pepper en question seront dépêchés à partir de décembre dans les grandes surfaces spécialisées et autres boutiques où sont proposées les machines à café et dosettes Nestlé. Pepper, petit semi-humanoïde monté sur roulette avec une tablette tactile en guise de ventre, est capable de donner des explications sur les différents articles de façon interactive en dialoguant quasi naturellement avec les clients. Il est ainsi censé les conseiller sur les différents articles proposés en fonction de leurs besoins et goûts. De plus, plusieurs Pepper peuvent mutuellement se transmettre ce que chacun a appris et réagir plus adroitement vis-à-vis de leur interlocuteur. Nestlé Japon table aussi sur le côté ludique, oui, de Pepper, qui ne manque pas d'humour et devrait s'ingénier à interpeller le chaland. Pour l'assurer jusqu'au coin machine à café des magasins d'électroménager. Pepper, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle déportée en réseau, a été conçu par Aldebaran, dont SoftBank a pris le contrôle avant de créer une filiale dédiée aux robots appelée SoftBank Robotics, et ce afin notamment de faire évoluer Pepper et de lui trouver des emplois. Plusieurs Pepper, d'ailleurs, ont déjà un emploi dans les boutiques SoftBank à Tokyo, et le groupe du milliardaire Masayoshi Son, qui n'en finit pas de faire l'éloge de cette créature, prévoit de la vendre au grand public à partir de février 2015. On va rester chez les robots encore un bout de temps parce que l'industrie automobile doit s'adapter, ses mannequins de collision à la population. Et Humanalytics, un des plus grands constructeurs de dispositifs anthropomorphes d'essai, a décidé de réévaluer la taille et la corpulence de ses crash test dummies pour être plus près des mensurations moyennes des automobilistes en ces temps d'obésité et de vieillissement de la population. On le sait, nous dit Huffington Post, avant qu'un véhicule ne soit commercialisé, des laboratoires doivent réaliser des expériences pour juger de la sécurité des véhicules. Lors de ces expérimentations, appelées des crash tests, les fabricants évaluent la résistance de mannequins de collision lors d'impact et de chocs violents. Ces mannequins, aussi appelés des dummies, dont toutes les articulations se doivent d'être réalistes, qui sont généralement dotés d'un physique tout à fait commun. Face au problème croissant de surpoids aux États-Unis, la firme Humanetics a donc choisi de les modifier et de pouvoir leur donner de la corpulence. Selon Chris O'Connor, président de la société en question, les personnes obèses ont un risque de décès au volant plus élevé de 78%. C'est entre autres pour répondre à ce problème-là que la compagnie a développé des dummies de 123 kilos. L'obésité n'est pas l'unique problème pour le fabricant. L'âge avancé de certains conducteurs, c'est également une problématique à prendre en compte dans la mesure où les risques de blessures graves augmentent de 20% après 50 ans. Humanetics serait donc en train de travailler sur un prototype spécifique à cette question. Il sera prêt en 2015. Le site Internet Autoblog ne manque pas de soulever un point intéressant. Avec les avancées dans le monde des technologies informatiques et de simulation, ce projet pourrait bientôt devenir obsolète. En effet, il sera prochainement possible de rajouter virtuellement du poids à un mannequin sans avoir à le construire et à le détruire physiquement. Ça permettrait aux entreprises d'économiser beaucoup d'argent quand on sait que la production de mannequins les plus avancés, répliques exactes du corps humain, capables d'enregistrer de nombreuses données, peut coûter près d'un demi-million de dollars. J'aurais jamais pensé. Maintenant, des chercheurs tentent de démontrer que l'emploi est menacé par l'avènement de la robotique et des technologies numériques. Selon leurs prédictions, de nombreux postes pourraient disparaître et ce, dans de nombreux secteurs. En 2025, 20% des tâches seront automatisées et plus de 3 millions d'emplois seront détruits, disent-ils. Le chômage atteindra 18% de la population. C'est là le joyeux scénario envisagé par le cabinet Roland Berger, à l'origine d'une étude visant à quantifier l'impact du numérique et de la robotique sur l'emploi en France, mais ça s'applique un peu partout. Précisons toutefois qu'il ne s'agit que d'une hypothèse. Les chercheurs expliquent que presque tous les secteurs pourraient être touchés. Seule l'éducation, la santé et la culture se verraient épargnées, car ces domaines sont difficilement automatisables. Dans le même temps, 500 000 postes seraient potentiellement créés dans le domaine de l'environnement, des nouvelles technologies et de la relation client, donc bien trop peu au regard des pertes prédites. D'ailleurs, je cite, « La robotisation va toucher les classes moyennes, y compris les classes moyennes supérieures, c'est-à-dire certaines professions intellectuelles, dont on va pouvoir automatiser certaines tâches comme les comptables, les juristes, les journalistes. La machine saura faire sans l'homme à très court terme », pense le chargé de l'étude. Mais ce scénario n'a pas que des inconvénients. La numérisation de l'économie pourrait générer 30 milliards d'euros. Peu importe, hein, de recettes publiques et 30 milliards d'euros d'investissements privés supplémentaires en raison des économies réalisées grâce aux robots. Le pouvoir d'achat des Français pourrait aussi augmenter de 13 milliards d'euros. Bon. Du moins à condition que la France s'adapte aux mutations induites par le numérique. Je vous épargne les détails. Allez voir le reste sur assemblagerequis.com. On passe à l'application Alert Amber au Québec qui a été téléchargée 30 000 fois. C'est très intéressant, c'est par la presse canadienne, cet article. Les Québécois sont invités à télécharger gratuitement l'application, pardon. Ouais. Les Québécois donc sont invités à télécharger gratuitement l'application Alert Amber Québec dans leur téléphone intelligent afin de se joindre automatiquement au réseau de recherche lors de la disparition ou l'enlèvement d'un enfant. Je cite, « Lors d'une disparition d'enfant, chaque seconde compte. J'en suis la preuve vivante et c'est vraiment important que le message se transmette avec une rapidité incroyable. » A fait valoir la porte-parole qui est Melissa McMahon, dont la petite fille Victoria avait été enlevée à Trois-Rivières. Bon. L'enfant avait été retrouvé dans les heures suivantes, notamment grâce à la vigilance et à l'intervention d'internautes. On a tous remarqué 1000 messages Facebook, Twitter. Ça s'est répandu super vite. Avec l'application Alert Amber, les citoyens abonnés seront aussitôt avisés des mêmes délais. Détails, pardon, que les corps policiers lors de tels événements, notamment la description de l'enfant, d'un suspect, du véhicule utilisé, ainsi de suite. L'application a été lancée en juillet et déjà quelques 30 000 téléchargements ont été faits. Il s'agit d'une goutte dans l'océan, puisque le Québec compte 5,5 millions de détenteurs de téléphones cellulaires. Trouvez Alert Amber sur l'iTunes Store. Depuis son instauration en 2003, d'ailleurs, l'Alert Amber a été déclenchée 10 fois au Québec et dans chacun des cas a permis de retrouver l'enfant sain et sauf à chaque fois. Ça fonctionne très bien. Un service de rencontre en ligne admet avoir utilisé de faux profils, nous dit l'agence France Presse. Un service de rencontre en ligne qui gère 3 sites destinés à permettre aux internautes de trouver l'amour a admis avoir utilisé de faux profils dans le but de pousser les abonnés à s'inscrire à des services payants. La Federal Trade Commission, la FTC, l'agence gouvernementale américaine qui protège les consommateurs, s'est pour la première fois intéressée à un service de rencontre en ligne. La société britannique JDI Dating Limited qui gère les sites cupidswand.com, flirtcrowd.com et findmelove.com. Selon la FTC, ces 3 sites proposaient aux personnes à la recherche de rencontres amoureuses de s'inscrire gratuitement, mais rapidement les abonnés recevaient des messages de personnes habitant dans les environs se disant intéressées par une rencontre. En fait, c'était de faux profils. Seul problème, pour pouvoir répondre à ces soi-disant prétendants, les abonnés devaient adhérer à des options supplémentaires payantes coûtant de 10 à 30 $ par mois. Ces messages étant presque à chaque fois envoyés par de faux profils créés avec bon nombre d'éléments identiques à ceux de profils bien réels. La seule différence entre les profils réels et les virtuels, c'est un petit V que la plupart des utilisateurs ne remarquaient pas ou ne savaient pas à quoi il correspondait selon la FTC. En plus, les abonnés voyaient leurs abonnements payants renouvelés de manière automatique, souvent sans leur consentement. La société anglaise a fait amende honorable. Elle a accepté de rembourser ses abonnés lésés pour un total de plus de 615 000 $ et d'arrêter d'avoir cours à ses faux profils. Elle signifiera également clairement à l'avenir ses options de paiement avant de faire payer ses abonnés. Ridicule. Les lunettes et montres interactives seront-elles bannies des cinémas américains, nous demande encore une fois l'agence France-Presse. Deux importantes organisations professionnelles de l'industrie du cinéma américain voudraient que les lunettes et montres interactives soient interdites dans les cinémas pour éviter les enregistrements pirates. La MPAA, la Motion Picture Association of America, et la National Association of Theater Owners recommandent la tolérance zéro pour toutes les personnes équipées de lunettes, lentilles de contact ou montres intelligentes dans une révision de leur guide de bonnes pratiques édité après une réunion de la profession en Floride pour lutter contre le piratage. Tout individu qui refuse d'éteindre son appareil capable d'enregistrer ou qui a oublié de le faire doit être prié de sortir, affirme-t-elle dans ses nouvelles règles, qui ne sont en aucun cas contraignantes pour les propriétaires de salles de cinéma. Les deux associations n'ont pas fait directement allusion au Google Glass, ces lunettes intelligentes qui permettent de se connecter à Internet et de partager très rapidement des vidéos et des photos via Google+. Le dispositif Google Glass est actuellement testé par une poignée d'explorateurs, c'est leur nom des Explorers, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Time Magazine l'a consacré comme une des meilleures inventions de l'année en 2012 et elles seront disponibles à partir du mois de mai prochain en Amérique du Nord pour 1 500 $. Ça, c'est un gadget de luxe. Un gadget un peu moins de luxe, mais pour les mélomanes, les musicophiles, les iPod classiques. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, on avait dit qu'il n'y avait plus d'iPod classique dans la boutique Apple. Ça a été retiré. Il n'y a plus de façon d'acheter, en tout cas pas officiellement, sur le site d'Apple, des iPod classiques. Ça, c'était moi qui buvais une gorgée d'eau. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas encore, je vous l'apprends. Là, le iPod classique est un produit de collection dorénavant. Apple a cessé de le vendre depuis la mi-septembre. Mais quelle justification oppose l'entreprise qui a basé les bases de son immense succès sur son baladeur musical lancé en 2001? Selon Tim Cook, interrogé lors d'une conférence organisée par le Wall Street Journal, c'est tout simplement parce qu'il n'arrivait plus à se fournir en composants. Le patron d'Apple n'a pas précisé quels matériaux ils avaient de la difficulté à se procurer, mais on peut penser aux disques durs qui ne sont plus fabriqués de la même façon aujourd'hui parce qu'on utilise de plus en plus la mémoire flash SSD, surtout sur les petits appareils, alors que ça, dans l'iPod classique, c'était encore un disque dur avec des parties qui bougent. Ou encore les petits écrans aux propriétés faibles avec une très mauvaise résolution. Actuellement, les clients de Apple ne jurent que par l'écran Retina. qui vient d'arriver d'ailleurs chez les iMac. Mais peut-on imaginer qu'une entreprise de la puissance d'Apple n'ait pas pu trouver les sous-traitants nécessaires? Eh bien non, mais Apple n'avait aucun intérêt à maintenir en vie un tel produit. Évidemment, si le produit n'est pas pour faire un profit pour Apple, ça ne leur sert à rien d'aller chercher et magasiner pour trouver les parties pour faire ces produits-là. Donc, qui aurait acheté un iPod classique alors que l'iPod Touch est toujours en magasin pour environ les mêmes prix, pour environ la même capacité de... Mais en fait, pas vraiment. C'est pas mal plus cher que l'iPod classique quand vous regardez vraiment les prix côte à côte. Mais bon. 375 millions d'unités vendues en 13 ans pour l'iPod classique. Ça ne représentait plus que 1% des ventes d'Apple. Voilà. Donc, la vache à lait d'Apple, c'est iTunes qui commence à montrer de sérieux signes de fatigue. Donc, une autre raison pour lesquelles se débarrasser du iPod classique. Et finalement, perdre son temps sur Internet sera bientôt enseigné à l'université. C'est l'Université de Pennsylvanie qui va offrir dès le printemps 2015 un cours de littérature intitulé « Wasting Time on the Internet ». Kenneth Goldsmith, un poète américain reconnu pour son travail sur l'interactivité comme pratique créative, sera en charge de ce cours qui fait beaucoup jaser. Je cite « Je suis fatigué de lire des articles du New York Times qui nous culpabilisent de passer tant de temps sur Internet ». Contrairement à ceux qui affirment que l'Internet nous rendrait plus idiots, Goldsmith croit que son usage nous rendrait plus intelligents. Je suis tout à fait de son côté, complètement. Je serais probablement rien si c'était pas l'Internet. Dans son cours de... En ce moment, genre, c'est pas mal, j'ai plus de télé, j'ai plus de câble. Dans son cours de création littéraire, les étudiants devront utiliser le résultat de leurs heures passées sur le web, donc séances de clavardage, capture d'écran, historique de navigation, comme matériaux bruts pour rédiger des œuvres littéraires captivantes et émouvantes. C'est ça, on parle d'œuvres littéraires. C'est sûr que les livres, il n'y a pas juste l'Internet et la télé pour se renseigner. Mais Colin, des fois, c'est difficile d'avoir l'attention pour lire un livre. Les étudiants seront également amenés à explorer la récupération artistique de l'ennui et de la perte de temps à travers l'histoire, en analysant notamment les œuvres de Guy Debord, Betty Friedan, Michel de Certeau, Georges Perec et John Cage. Est-il possible de reconstruire son autobiographie en utilisant uniquement Facebook? Écrire une grande novella en pillant notre feed Twitter? Utiliser le temps passé devant des vidéos de chat, pour créer une œuvre originale et sensible? Ce sont à ces questions très contemporaines que Wasting Time on the Internet tentera de répondre. Voilà, donc l'article vient de Branchez-vous. C'est tout pour le bloc CNX. On va continuer avec les jeux les plus loués. Voilà, donc position, on va y aller avec les jeux à la place des positions. Position 10, c'est NHL 15 sur la PlayStation 4. Même jeu en 9e place sur la Xbox 360. Ensuite, on passe à The Evil Within, qui est en 8e sur PlayStation 3 et en 7e sur Xbox One. Ensuite, Forza Horizon 2, qui est sur Xbox One. En 5e, Borderlands The Pre-Sequel sur PlayStation 3. Le même jeu est en 4e position sur Xbox 360. En 3e, c'est Middle-Earth Shadow of Mordor sur PlayStation 4. En 2e, Lord of the Fallen édition limitée sur PlayStation 4. Et en première place, c'est Sunset Overdrive sur la Xbox One. Voilà, c'est tout. Et comme on le fait, en fait, j'ai envie de ne pas... J'ai commencé ma phrase, ça veut dire qu'il faut que je le fasse, hein, c'est ça. On va regarder un petit peu ce qui se passe bientôt sur vos écrans. Voici les nouveautés en magasin pour la semaine du 2 au 8 novembre 2014. Et commençons sur le PC. On retrouve Depth sur... c'est ça, je l'ai dit, sur le PC. C'est quand même pas besoin de me répéter, c'est un jeu indie. Ensuite, Call of Duty Advanced Warfare Day Zero Edition sort sur PlayStation 4, Xbox One et PS3, entre autres. C'est coté 8 super selon GameSpot. Eden sort sur PC, Iris Synthesis sur PC, Diamond Deep sur PC. Ensuite, mardi le 4 novembre, Alia Jacta Est sur PC. C'est un jeu de guerre. Donc, au premier siècle avant J.C. Lauzon. Voilà. Ensuite, The Binding of Isaac Rebirth sur PlayStation Vita, PC et PS4. C'est un remake basé sur le jeu Flash du web. Frozen Synapse Prime sort sur PlayStation 3. C'est un jeu où on joue dans une équipe de tireurs. Voilà, soldats futuristes. Don't Die Mr. Robot sur Vita. MotoGP 14, un jeu de course sur PS3, PS4, Vita et Xbox 360. Je crois que c'est un jeu de course de moto. D'où le nom moto, GP 14. Disney Planes Wii Fire and Rescue sort sur Wii 3DS et Nintendo Wii U. Ça continue l'histoire du film Disney Planes, les avions. The Wolf Among Us sort sur Xbox One, PS4 et PS3, entre autres. C'est coté 8 selon GameSpot. C'est une série en 5 épisodes du développeur Telltale Games, où tout ce que vous faites va avoir d'énormes conséquences. Vous jouez un gros méchant loup. Harvest Moon 3D The Lost Valley sort sur Nintendo 3DS. C'est dans la suite des jeux Harvest Moon. Il y en a eu tellement, vous les connaissez probablement si vous êtes fan. Ensuite, Defenders of Time sort sur PC. The Walking Dead Season 2, a Telltale Games Series sort sur PlayStation Vita. C'est côté 9, superbe, selon GameSpot. Dovetail Games Fishing sort sur PC. C'est un jeu de pêche, bien sûr. The Hungry Horde sort sur la PlayStation Vita. Un jeu de zombies. Rocksmith 2014 Edition, le jeu où on joue de la guitare, mais plus réaliste que Guitar Hero. Ça sort sur PlayStation 4 et Xbox One, c'est côté 8. How to Survive Storm Warning Edition sort sur PlayStation 4, c'est côté 7 selon GameSpot. Bioshock Infinite Complete Edition sur PlayStation 3 et Xbox 360, c'est côté 9, superbe. Ensuite, on retrouve Boss Constructor, World Truck Racing et Blaze Rush qui sortent sur respectivement PC, PC et PlayStation 3. Disney Infinity Marvel Super Heroes édition 2.0 sort sur PS3, PS4, Xbox 360 et Nintendo Wii U. C'est coté 7 selon GameSpot. Évidemment, dans le reste, dans la suite, la déclinaison suivante de Disney Infinity avec les petites figurines. Home sort sur PlayStation Vita, un jeu d'horreur aventure, coté 7 selon GameSpot. Smart Busters High Society sort sur PlayStation 3. Space Warp et Aviator Bush Pilot sortent sur PC. Broken Sword 4 The Angel of Death sort sur PC, c'est coté 7,7 selon GameSpot. Mercredi, Project Nimbus sur PC, Logistics Company sur PC, World of Subways 1 The Path sur PC et Ray Function sur PC. Voilà pour mercredi. Ensuite, jeudi, Pierce Solar and the Great Architects sort sur Nintendo Wii U. C'est un jeu de rôle originellement développé par la Sega Genesis. The Swapper sort sur Wii U. C'est un platformer puzzle en 2D. C'est coté 8 selon GameSpot. Ça a l'air bon. Tetris Ultimate Non, pardon, ça c'est en Europe. Sports Ball sur Wii U, Eldivin sur PC, Kemonomics Plus sur Nintendo 3DS. Ensuite, on va à Flap and Zigeta sur la Wii U, SDK Paint sur la Wii U, Shadow Rush sur la Wii U, et vendredi, on a A Bird Story sur le PC, Crown Takers sur PC, Polarity sur PC, Gold Rush Anniversary sur PC, Onikira Demon Killer sur PC, Winged Sakura Mindy's Arc sur PC, Gunspell Steam Edition aussi sur PC, et finalement, c'est tout. Et finalement, c'est tout. Quelle belle phrase. C'est tout pour les jeux vidéo qui seront ou sont en magasin pour la semaine du 2 au 8 novembre 2014. Et c'est juste assez d'informations pour terminer le Mathieu Plante Show ici. Oh que oui, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mardis de 13h à 15h. On rappelle les jeudis de 16h à 18h. Je vous retrouve avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès C'est Fou les mercredis entre 14h et 17h. Consultez la programmation complète sur cifou.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye.